Mes amis, je suis triste. Pourquoi ça? La nouvelle est tombée hier. Le couperet a fait sa sale besogne. Un truc grave? Rocco va remettre son slip. Le grand Siffredi arrête sa carrière de pro du fion. 1300 films. 4000 grognards humiliés. Avec élégance, toujours. Des millions d'hommes qu'on a entendu dire du fond de leur canapé. Ouais, mais ça, c'est l'effet de la télévision, ça grossit toujours un peu. Rocco qui avait popularisé l'expression favorite des charcutiers. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ah, Rocco, un ami, un vrai. Hier, il m'a invité à sa soirée d'adieu. Soirée quasiment de deuil, appelée Ciao Culo. Moi, si c'est pas de la musique des salopes. Ah, Rocco, Rocco, tu vois, on a vraiment les mêmes valeurs, toi et moi. T'es sûr que tu veux vraiment arrêter? Malmo, t'es un peu plus haut. Ouais, c'est vrai que moralement, ça doit être fatigant. Moi, je suis surtout fatigué de les zizi. Ah, ça, non, Rocco, je peux pas te laisser dire ça. Malmoud, 4000 femmes, j'ai fait crier comme des chiennes. Et alors? Moi, j'ai fait ça la semaine dernière, et je vais recommencer. Mais pour te dire la vérité, Helmut, j'arrête parce que dans le prochain film, il voulait me donner une partenaire qui me fait peur. Evelyne Delia? Non, Daniel Evenot. Ouf, d'où Jésus l'a tué, là? Attention, la voilà. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Vous arrêtez votre carrière, Rocco? Bah oui, c'est les enfants qui commencent à poser des questions. Je suis embarrassé maintenant. C'est pas plutôt parce que vous avez peur de tomber amoureux de moi, Rocco? Mais il est trop canon. Hé, Rocco. Qui? Bah, je serais toi, je dirais pas non tout de suite, hein. J'ai entendu dire qu'elle était plutôt chaude du Marcassin, la pouliche. Moi, chaude comment? Comme un panini mozzarella. Bon, bah, je vais me faire un dernier petit extra. Ah. Je vais le faire en anglais pour que pas que ma femme elle me reconnaisse. Cool! Je vais prévenir la vioque. Ok, je vais me laver les boules. Oh, j'ai pris une caméra. Daniel et Rocco ont commencé. Oh là là. Et c'était reparti comme au bon vieux temps. Oh! Oui! Allez, on y va! Oui, Rocco, oui! Vas-y comme ça, bouge-moi! Oui, suck it, vas-y, suck it! Bon, les gars, je vous laisse. J'étais contacté pour le casting de remplacement de Rocco. Bon, on fait pas la même taille, mais bon, c'est pas grave. Je l'appellerai en deux, ça devrait aller. Allez, au revoir, Zen.